بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 99 بعد 100، فقط هو 19 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم دام فضلكم في ثناء الإنسان على نفسه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ Donc il est interrogé: quel est votre avis quant au fait que la personne fasse ses propres éloges يعني sur sa propre personne؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به. Donc il a dit le fait que la personne fasse son propre éloge est dans le but de pouvoir proclamer les bienfaits d'Allah sur lui, ou alors que autre que lui puisse suivre ses traces sur dans la réussite, il n'y a pas de mal. وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه عز وجل فإن هذا في شيء من المنة فلا تجوز. وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا كل تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Par contre, il dit si la personne veut par cela se recommander lui-même, sa propre frère, sa tazkiya de lui-même, vanter sa personne, d'accord, et comme s'il voulait par cela comme si c'était une chose que Allah lui devait, d'accord, qu'il méritait, alors cela ce n'est pas permis. Cela n'est pas permis dans le sens où Allah a dit et il je sais pas comment on traduirait yamunun alayka an aslamu. C'est-à-dire, c'est comme si ils te disaient qu'ils étaient rentrés en islam, donc que tu leur dois quelque chose, en fait. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dis-leur que je vous dois rien par rapport à votre islam. Mais c'est vous qui devez à Allah, pour du fait qu'il vous a guidé vers la foi, si jamais vous êtes véridique. Al-man, le fait de dire yamunu alaykum, c'est comme si tu disais à quelqu'un, tu lui rappelles le bienfait que tu lui as fait, pour qu'il soit redevable, en fait. Ça revient à peu près à cela. Donc, j'ai pas traduit vraiment de façon éloquente, mais c'est ça le sens, en fait. Donc, je m'excuse. Et le verset, c'est « Al-Hujarat », les appartements, verset 17. « Wa inna rada bi mujarrad al-khabar fala basabi lakin al-awla tarku » Et s'il peut juste informer, c'est-à-dire dans son éloge, juste faire une information, il a dit « Il n'y a pas de mal, mais il est meilleur de laisser cela. » فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربعة. Donc il a dit le fait de faire sa propre éloge, cela se trouve dans quelle situation. الحال الأولى أن يريد بذلك تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وحبابه من الإيمان والثبات. Donc la première situation, c'est quelqu'un qui veut par cela de proclamer les bienfaits d'Allah sur lui. Qu'est-ce qu'Allah lui a accordé comme foi et comme guidé. Donc cela, il n'y a pas de mal. Al-hala thaniya an yuridu bi dhalika tanshit amthalihi wa nuzara'ihi ala mithl ma kana alayhi. Deuxième situation, tayyib. Fa hatan al-halatan mahmudatan lima yashtamilan alayhi min an-niyyat at-tayyibah. Donc deuxième situation, c'est le fait de vouloir motiver les autres afin qu'ils puissent en faire autant que lui, si ce n'est même plus que lui peut-être. Par exemple, en disant, Alhamdulillah, je peux faire telle et telle chose, kaza et kaza et kaza, afin que les gens l'écoutent et que ça les motive à agir de la sorte également. Donc il a dit, c'est également cette situation-là, il n'y a pas de mal à ce que la personne fasse sa propre éloge. الحالة الثالثة أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان والثبات. Troisième situation, c'est quelqu'un qui veut se vanter, d'accord, et qui, comme s'il dit, il voulait que, il pensait que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est redevable, que Allah lui est redevable de cela. Donc cela n'est pas permis, d'accord, cela n'est pas permis. Ah, il y a la zen, je m'excuse, je finis juste la question, après je coupe, après je ferai celle d'après. والحالة الرابعة أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه. Quatrième situation, c'est le fait qu'ils veulent juste informer à son propre sujet, c'est-à-dire une chose qui est vraie, d'accord, comme foi et comme fermeté sur la religion, et cela est permis, sauf que cela, il est meilleur de le délaisser. Naam. ثم قال في السؤال المئتين 200e question. On arrive bientôt à la fin du livre. بفضل الله تعالى. سئل الشيخ عن قول العامة تباركت علينا زادتنا أو زارتنا عفوا البركة. Donc il a dit, qu'en est-il de la parole des gens de la masse, des awam, lorsqu'ils disent que tu nous as apporté la baraka? La baraka nous a rendu visite. Dans le sens. فأجاب قائلا قول العامة تباركت علينا لا يريدون بذلك ما يريدون النسبة إلى الله عز وجل وإنما يريدون أصابتنا بركة من مجيئك. Donc il a dit, lorsque les gens disent ça, ils ne veulent pas par cela attribuer à une personne une baraka comme ça que Allah accorde aux gens. Ils veulent juste dire par là que par ta venue à toi, la baraka est venue. نعم. والبركة يصيح إضافتها إلى الإنسان. قال أسيد بن خدير لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر. Donc il a dit le fait d'attribuer la baraka à une personne, cela est permis. D'accord ? Quand on dit Fulan apporte une baraka, par exemple. Par exemple, le Tabiri Usayd ibn Khudayr, il a dit, ou plutôt le Sahabi Usayd ibn Khudayr, radiallahu anhu, lorsque le verset du Tayammum est descendu, il a dit à Aïcha, car ce verset est descendu du fait que Aïcha avait perdu son collier, et que cela a retardé les gens à chercher le collier, alors qu'ils n'avaient pas d'eau. Donc Abu Bakr al-Siddiq a grondé Aïcha. Et de là, Allah Azzawajal a fait descendre le verset du Tayammum, pour que les gens soient facilités. Donc de là, ce sahabi a dit, ce n'est pas la première baraka, ce n'est pas la première fois qu'on a une baraka par votre cause, ô vous famille de Abu Bakr. C'est-à-dire par votre cause, plusieurs choses de baraka nous sont parvenues. Et cette fois-ci, c'était quoi? Le verset du Tayammum. Naam. Qui sont les ablutions sèches. Les ablutions sèches. قال وطلب البركة لا يخلو من أمرين. Il a dit le fait de demander la baraka. طيب cela n'est pas exemple de deux choses. الأمر الأول أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Donc qu'on attend de la baraka par exemple d'une chose légiférée, connue. Comme par exemple le Coran, dans le sens où Allah dit, et c'est un kitab que nous avons fait descendre, Mubarak. En général, Mubarak, les gens traduisent par béni. J'aime pas franchement cette traduction-là, mais c'est le seul mot que les gens connaissent. Ça, c'est Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 92. فَمِنْ بَرَكَتِهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ بِهِ وَجَاهَدَ بِهِ حَصَلَ لَهُ فَتْحَ الْفَتْحَ فَأَنْقَذَ اللَّهُ بِهِ أُمَمًا كَثِيرَةً مِنَ الشِّرْكِ ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات وهذه يوفر للإنسان الجهد والوقت. Donc مثلا parmi les baraka, la baraka du Coran pour celui qui l'aura pris, hein, c'est que Allah lui va accorder la réussite, et qu'également Allah Azza wa Jal a secouru des communautés entières en les sortant du shirk vers le tawhid. Par quoi? Par le Coran. Donc c'était une baraka pour eux. Également dans sa lecture, chaque lettre du Coran récité équivaut à 10 hasanat. Et là, on le répète une fois de plus, c'est le Coran, c'est ce qui est en arabe. Ce n'est pas le sens de traduction en français qui vaut des hasanat. Le hadith qui parle de 10 hasanat pour chaque harf, c'est pour celui qui lit la parole d'Allah, donc c'est-à-dire en arabe. Donc ce qui devrait inciter les gens à apprendre, déchiffrer la langue arabe. Ne serait-ce que pour lire le Coran, même s'ils ne comprennent pas forcément, au moins quand ils prennent le mushaf et ils le lisent, ils ont au minimum, d'accord, la baraka du ajr, des hasanat, de chaque lettre prononcée. Taïeb. Donc ça, c'est première cause, c'est le fait de chercher la baraka dans une chose qui est légiférée. Al-amr al-thani, an yakun talab al-baraka bi amr hissi ma'roum, misl al-ilm. Également, ce soit recherché par une chose abstraite, mais qui est connue. Comme par exemple le ilm. D'accord? Le ilm est une chose qui apporte la baraka. Fahada al-rajoul et tabarakou bihi bi'ilmihi wa da'watihi lal-khayr. Qala Usayd ibn Khudayr, ma hiya bi awwal barakatikum ya al Abi Bakr. Donc une personne par exemple qui a de la science et qui la propage, cela va apporter une baraka par sa cause, par sa da'wa qui appelle au bien. Et après il a cité la parole d'Usayd et ibn Khudayr pour la famille de Abu Bakr en leur disant que ce n'est pas la première fois qu'on a une baraka par votre cause. Fa inna Allah qad yujri ala aidi ba'd an-nas min umul khayr la yujrihi ala aidi al-akhar. Donc il se peut que Allah Azzawajal apporte du bien par le biais d'une personne qu'il ne le ferait pas par une autre. Et les gens qui bien sûr apportent le plus de bien de façon générale sont les ulama par le ilm qu'ils apportent. Et ainsi de suite. Wa hunak barakatun mawhumatun batila mithl ma yaz'umuhu ad-dajjalun أن فلانا الميت الذي يزعم أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك فهذه بركة باطلة. Donc il a dit, il y a également une baraka qui est elle prétendue, qui est mensongère et qui est fictive. Elle n'existe pas en fait, elle est imaginaire. C'est ça que les menteurs attribuent à ceux qui pensent être leur wali. Le mort qui est dans sa tombe par exemple en disant que tel mort, sa baraka vous est parvenue. Et cela comment ? En faisant des adorations, toute sa tombe, ou en invoquant, en faisant du shirk, en faisant des bid'ah. Donc cela est complètement faux. La athara laha wa qad yakunu li shaytan atharun fi hadha al-amr, lakinaha la ta'du an takuna athara al-hissiyya bi haythu anna shaytan yaghtubu hadha al-shaykh fa yakunu fi dhalika fitna. Et par exemple, il se peut que shaytan, tout simplement, par exemple, quelqu'un dit j'ai fait un dua par de telle tombe, ou j'ai fait telle tombe, il m'est arrivé telle et telle chose, incroyable. On dit ça peut être une épreuve du fait que Shaitan soit, mathalen, ici pour t'égarer auprès de cette tombe et t'apporte ce que tu as demandé. Et c'est Allah qui t'éprouve par ce Shaitan. Mathalen, c'était arrivé également auparavant que des gens allaient faire chercher la baraka auprès de je crois que c'est Al-Lat. Lat ou Al-Uzza, j'ai oublié. Et il y avait un arbre qui parlait et qui répondait aux gens. Et les gens l'ont pris comme une divinité. Et en réalité, c'était un djinn qui était à l'intérieur qui parlait aux gens. Ou comme ces prétendus miracles que certaines personnes font. Les gens disent, Foulel, c'est un wali, pourquoi ? On a vu, il s'est envolé, il est vité dans les airs, il a marché sur l'eau, il a fait ceci, il a fait cela. Des fois, c'est un shaitan qui le sert, c'est tout. Il fait du sihr ou autre, et un shaitan est à son service, lui donne ce qu'il donne, et il trompe les gens. Ce n'est pas un miracle, c'est une tromperie. Et bien évidemment, celui qui est marzoul, qui est abandonné, il croit cela et il se fait avoir. Wali azbillah. Yaqul amma kayfiyatu ma'rifat hal hadhi min barakat al-batila aw as-sahiha. Donc il a dit maintenant comment savoir différencier entre une baraka qui est vraie et une qui est fausse. Fa yu'rafu dhalika bi hal ash-shakhs. Fa in kana min awliya Allah al-muttaqin al-muttabi'in lis-sunnah mubta'idin 'an al-bid'ah, fa inna Allah qad jalu ala yadi ou yadayhi min al-khayr wal barakati ma la yahsul al-ghayri. Donc cela on peut le savoir par le hal de la personne. Si c'est une personne qui est parmi les awliya d'Allah, approchée d'Allah, et une personne qui est pieuse, et une personne qui suit la sunna, et une personne qui s'éloigne des bid'ah et des mukhalafat, il se peut que Allah lui accorde des miracles, des prodiges, ou qu'il lui apporte des choses, quand on dit prodiges, même des choses, d'accord, qui amènent une baraka, comme le ilm ou comme un acte que beaucoup vont prendre comme exemple et vont suivre. Et qui va se propager partout. Des fois, ça peut même pas être un ami, d'accord, mais il a un ikhlas qui est koui, il a une bonne intention, une bonne niya, et Allah, il a fait qu'il y ait une baraka dans ce qu'il a fait. Plus que, par exemple, un talib al-ilm. Lui, c'est un ami, Allah a fait qu'il a, ce ami a dit une parole une fois, cette parole a touché plein de gens. Ou il a fait un acte qui a encouragé plein de gens. Ou il a fait une da'wa, un kafir ou quoi, ou des gens, et ils ont rentré en islam. Et d'autres, ça fait des années par là plein de gens, et ça aboutit pas au même résultat. D'accord. Il se peut qu'Allah mette une baraka, même si je suis un ami. La fi mania. Amma in kana mukhalifan al-kitab wa sunna wa yad'u ila batil fa inna barakatahu mawhuma wa qad nadha'uha aw tadha'u ash-shaytan lahu musa'alatan ala batilih. Par contre, c'est une personne, c'est une chose qui est basée sur la mukhalafa du livre de la sunna et qui c'est une personne qui appelle au faux, alors c'est une baraka qui est effective. Et il se peut même que ce soit un shaitan qui soit sur son service. Non. Et il est même possible que même un mubtadi' soit la cause de la guider de gens. D'accord? Que par sa da'wa, des gens entrent en islam. Mais cependant, ces gens entreront en islam et par la suite, ils verront la vérité, ils ne seront pas sur sa voie. Ils délaisseront. C'est aussi possible. D'accord? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que Allah secoue cette religion par un homme pervers, immoral. Non. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui, de ces deux sourates, et alhamdoulilah rabbil alamin.